Chica. Biggie Joe on the beat. Génération toujours en place. Patrouille à la vitesse d'un tracteur. Fais doucement avec le G. La peufra t'emmène jusqu'à la voie lactée. J'envoie une petite pour te contacter. T'envoies une toffe ou t'es contracté. Faut un petit prêt à se déplacer même. Jusqu'à la voie lactée. Hey, shit. Jusqu'à la voie lactée. Pour nous c'est plus dur, on n'a pas pacté. Plus de bruit, ils ont tiré sur Bruce. Pourtant ils connaissaient bien son karaté. Et j'ai toujours Glock with me. Et ils suceraient pour un top midweek. Et la fête est toujours remplie de weed. Et leurs lyrics ils sont remplis de vide. On a brûlé la prod, so et JKSN. Toujours ensemble alias mon Glock ils aiment. Handle head safe et normal kissen. 10 appels en absence, elle a le cœur qui saigne. Je les vois prendre un lourd, j'en ai digéré 6. Sur la plaquette j'ai floqué le 10. J'ai roulé un joint en plein home jacking. Au star j'attends couvre-feu Jackie. J'avoue qu'une fois y'a pas de love story. Et c'est des racistes comme Secret Story. La baguette tourne comme ovale fourré. La planchette tourne comme Julien Doré. A chaque fois qu'ils échouent, ils croient c'est ma faute. Chaque fois que je sors j'ai le Glock à ma gauche. A chaque fait du mouton, moi j'égorge un goth. J'ai racheté les murs, ils ont loué la gove. Patrouille à la vitesse d'un tracteur. Fais doucement avec le G. La peufra t'emmène jusqu'à la voie lactée. J'envoie une petite pour te contacter. T'envoie une toffe ou t'es contracté. Faut un petit prêt à se déplacer même. Jusqu'à la voie lactée. Numéro 6, je fais les passes et je mets l'accuse devant toutes les factures de maman. La pauvreté nous dépasse, on espère se repentir avant l'heure de la mort. Charge le pétard et j'y vais pas de maman. Vu que le 9-3, c'est pire que Guantanamo. Monte en 911 en Under Armour. J'ai les mains dans la merde, on traîne comme des rats morts. Mon gars, dehors c'est Tubagui. Boulos, dans la rue Turbigo. Il faut les lunatiques devant un factice, ils deviennent pratiquants. Distribue une bata, ça devient fatigant. On fait pas de pratique avec les fatigués. Faut pas nous fatiguer, tu nous fais perdre du temps. On est motivé que par la patte du gars. Patrouille à la vitesse d'un tracteur. Fais doucement avec le G. La peufra t'emmène jusqu'à la voie lactée. J'envoie une petite pour te contacter. T'envoie une toffe ou t'es contracté. Faut un petit prêt à se déplacer même. Jusqu'à la voie lactée. Remonte la vitre, on rabaisse ta visière. Tu sais déjà qui t'a fait de la D. Dors que d'un seul œil si le deuxième se ferme. Salah Janaza, qu'a de la rapée. T'es Max One, il était criminel. Tu montais pas dessus sans te le faire arracher. Starfallin, nous aide de l'émir. La coupe aux deux oreilles sans dire ça qu'à mâcher. La sarcelle ou la braque à gouler. Une vraie cage pour mettre trois ton carré. Tu cherches la maîtrise du règne. On marche avec toi parce qu'on aime tes tarifs. Descends de Condé avant le chant du coq. On recule devant rien, même devant le proc. Je me rappelle de Mania, la putain d'époque. Mon premier baiser, je l'ai fait dans un bloc. Patrouille à la vitesse d'un tracteur. Fais doucement avec le G. La peufra t'emmène jusqu'à la voie lactée. J'envoie une petite pour te contacter. T'envoie une toffe ou t'es contracté. Faut un petit prêt à se déplacer même. Jusqu'à la voie lactée.